Et ils disent dans Tafasir que celui qui est visé par ces versets, c'est Abu Jahl. Abu Jahl, le pharaon de cette communauté. Abu Jahl, dont Allah a fait sortir un de ses fils, qui est devenu un des plus grands compagnons, Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima radiallahu anhu. Ou Abu Jahl, c'est un homme éternisé en enfer. C'est lui qui interdisait aux gens de suivre le prophète alayhi salam, et il ne le suivait pas en lui-même. Il persécutait surtout les démunis parmi les compagnons, tels que Bilal, et c'est très connu son histoire avec lui. Il le faisait sortir dans le désert, il le mettait sur le sable brûlant, il mettait sur son dos un grand rocher brûlant. Il appuyait. Et il lui disait de dire Roubel. Et Bilal radiallahu anhu, il disait Ahad, Ahadun Ahad. Il unifie Allah. Ces hommes, tout ce qu'ils ont subi pour cette religion, et vous rendez compte que nous, on a eu tout ça d'une manière facile. Alhamdulillah. Alhamdulillah qui nous a guidés vers la religion de l'islam, mais il faut voir ce que ces hommes ont subi, ces hommes et ces femmes, ce qu'ils ont subi pour cette religion et pour rester attachés à cette religion, et que tout a été déployé pour les éloigner de l'islam, mais Allah les a raffermis, il a fait d'eux les messagers de ce prophète, alayhi salatu wassalam, de ce noble prophète, qui ont pris de lui sa religion et qui l'ont propagé partout sur terre après lui et pendant sa vie aussi. Radiallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Et donc, Cheikh Saadé, il dit que ça a été révélé par rapport à Abu Jahl, quand il a interdit au prophète, alayhi salatu wassalam, de prier. Et il lui a fait des mal au niveau des oreilles, des choses comme ça, il l'a tiré pendant la salat. Mais sinon, ça reste valable pour toute personne attachée à la vérité. Rien ne doit t'éloigner de la vérité. Ce qui vient te décourager, et c'est pas grave, tu peux délaisser ça de ta religion. C'est pas grave, pour une sœur, ils disent, retire juste le hijab parce que tu as besoin de travailler, parce que tu as besoin... Attache-toi à ta religion et wallahi, tu ne verras que du bien. Ou pour le frère, ils lui disent, la barbe, c'est pas un pilier de l'islam, tu vas pas me croire si tu rases la barbe. Et tu as besoin de travailler, c'est pas possible de rester comme ça, tu dois. Est-ce que pour travailler, il faut raser la barbe? Patiente, Ari, même s'il y a des épreuves, patiente jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donnera une issue. Allah, il ne te donnera jamais l'issue qu'après la patience. Ils ont dit à l'imam Shafi'i, qu'est-ce qui est meilleur? D'avoir le pouvoir sur terre pour propager la vérité ou d'être éprouvé dans la voie d'Allah? Il faisait allusion à l'histoire de Yusuf, alayhi salam. L'imam Shafi'i l'a compris. Il leur a dit, et est-ce que c'est possible d'avoir à cette force et cette autorité et ce pouvoir sur terre dans la religion sans être éprouvé? Est-ce que Youssef, il est arrivé à devenir ce qu'il est devenu en Égypte qu'après les épreuves et après tout ce qu'il a subi, que ce soit de la part de ses frères ou en prison? Il n'est arrivé à ce pouvoir qu'après la patience. Donc patiente, Allah, il t'éprouve pour montrer ta patience, et pour montrer ta sincérité, et pour montrer ton attachement, et renforce-toi d'abord avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite avec les causes qui sont légiférées, notamment l'ilm. L'ilm est la bonne compagnie, la compagnie qui t'aide à aller vers le haut, vers le devant, et non pas à reculer. Éloigne-toi de ceux qui t'appellent à reculer, même s'ils prétendent être bien intentionnés. Même s'ils prétendent vouloir ton bien, s'ils sont sincères, c'est qu'ils sont ignorants aussi. Ou c'est des menteurs qui veulent t'égarer comme eux, ils se sont égarés. Accroche-toi à la vérité et sache que cette dunia est très courte. Et si tu perds ta religion, t'as tout perdu. Et si tu préserves ta religion, t'as tout gagné.